Chapitre 72. Brest, 9 juillet 1881. Nous venons d'arriver tout de même, et c'est mon dernier jour de garde à bord. Je débarque demain. Nous sommes dans ce fond du port de Brest, où notre Sèvres revient de temps en temps s'immobiliser entre deux grands murs. De hautes constructions mornes nous surplombent. Autour de nous, des assises de roches primitives portent des remparts, des chemins de ronde, tout un lourd échafaudage de granit, suant la tristesse et l'humidité. Je connais par cœur toutes ces choses. Comme c'est en juillet, il y a des digitales, des touffes de silène qui s'accrochent çà et là aux pierres grises. Ces plantes roses des murs, c'est la note de l'été dans ce Brest de sans-soleil. J'ai pourtant une espèce de joie de partir. Cette Bretagne me cause toujours, malgré tout, une oppression mélancolique, je le sens maintenant. Et quand je songe au nouveau, à l'inconnu qui m'attend, il me semble que je vais me réveiller ou sortir d'une espèce de nuit. Où m'enverra-t-on? Qui sait? Comment s'appellera ce coin de la terre où il faudra m'acclimater demain? Sans doute quelque pays de soleil où je deviendrai un autre moi, avec des sens différents et où j'oublierai, hélas, les choses aimées ailleurs. Mais mon pauvre Yves et mon petit Pierre, je souffre de les quitter tous deux. Pauvre Yves, qui s'est souvent fait traiter en enfant gâté et capricieux, c'est lui à présent, à l'heure de mon départ, qui m'entoure de mille petites prévenances, presque enfantines, ne sachant plus comment s'y prendre pour me montrer assez son affection. Et cette manière d'être a plus de charme chez lui parce qu'elle n'est pas dans sa nature habituelle. Ce temps que nous venons de passer ensemble, dans une intimité fraternelle de chaque jour, n'a pas été exemple d'orage entre nous. Il mérite toujours un peu, malheureusement, ses notes passées d'indiscipliné et d'indomptable. Tout va bien mieux, cependant, et si j'avais pu le garder près de moi, je l'aurais sauvé. Après dîner, nous montons sur le pont pour notre promenade habituelle du soir. Je dis une dernière fois, « Yves, fais-moi une cigarette. » Et nous commençons nous 100 pas réguliers sur ces planches de la Sèvre. Là, nous connaissons par cœur tous les petits trous où l'eau s'amasse, tous les taquets où l'on se prend les pieds, toutes les boucles où l'on trébuche. Le ciel est voilé sur notre dernière promenade, la lune embrumée et l'air humide. Dans le lointain, du côté de Recouvrance, toujours ces éternels chants de matelots. Nous causons de beaucoup de choses. Je fais à Yves beaucoup de recommandations. Lui, très soumis, répond par beaucoup de promesses, et il est fort tard quand il me quitte pour aller dormir dans son hamac. À midi le lendemain, mes malles à peine fermées, mes visites pas faites, je suis à la gare avec Yves, et les amis du carré qui me reconduisent. Je serre la main à tous, je crois même que je les embrasse, et me voilà parti. Un peu avant la nuit, j'arrive à Toulven, où j'ai voulu m'arrêter 2 heures, pour leur faire mes adieux. Comme c'est vert et fleuri ce Toulven, cette région fraîche et ombreuse, la plus exquise de Bretagne. Là, on m'attendait pour couper les cheveux du petit Pierre. La pensée qu'on pût me confier une pareille besogne ne me serait jamais venue. On me dit qu'il n'y avait pas que moi pour le faire rester tranquille. La semaine passée, on avait mandé le barbier de Toulven, et petit Pierre avait tellement fait le diable que les ciseaux avaient entamé d'abord ses petites oreilles. Il avait fallu y renoncer. J'essayais tout de même, pour leur faire plaisir, ayant une envie de rire très grande. Puis quand ce fut fini, l'idée me vint de garder une de ces petites mèches brunes que j'avais coupées, et je l'emportais, étonné de tant y tenir. Chapitre 74. Lettre d'Yves. À bord de la Sèvre, Lisbonne, 1er août 1881. Cher frère, je vous réponds une petite lettre le jour même que je reçois la vôtre. Je vous écris bien à courir. Et encore je profite de l'heure du déjeuner, et je suis sur le râtelier du grand-mât. Nous sommes entrés en relâche à Lisbonne hier au soir. Chers frères, nous avons eu tout à fait un mauvais temps cette fois. Nous avons perdu nos phoques, l'artillement de cap et la baleinière. Je vous fais savoir aussi que dans les grands coups de roulis, mon sac et mon armoire sont allés se promener, et tous mes effets aussi. J'ai à peu près pour 100 francs de perte dans toutes ces affaires-là. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'avais fait de ma journée dimanche, il y a 15 jours. Mais mon bon frère, je suis resté tranquillement à bord, à finir de lire le Capitaine Fracasse. Ainsi, depuis votre départ, je n'ai été à terre que dimanche dernier. Et j'étais très tranquille parce que d'abord, j'avais tout envoyé l'argent de mon mois à la maison. J'avais touché 69 francs, et j'en avais envoyé 65 à ma femme. J'ai eu des nouvelles de Toulven, et ils sont tous bien. Le petit Pierre est très dégourdi. et elle sait très bien courir à présent. Seulement, il est un peu mauvais quand il fait sa petite tête de goéland, comme moi, vous savez. D'après ce que ma femme me dit sur sa lettre, il chavire tout chez nous. La maçonnerie de notre maison est déjà montée à plus de 2 mètres de terre. Je serais bien heureux qu'elle soit tout à fait finie, et surtout de vous voir installé dans votre petite chambre. Cher frère, vous me dites de penser à vous souvent, mais je vous jure qu'il ne se passe pas d'heure sans que je manque d'y penser, et même plusieurs fois par heure. Du reste, maintenant, vous comprenez, je n'ai plus personne avec qui causer le soir, et ma blague n'est plus souvent pleine. Je ne puis vous dire le jour de notre partance, mais je vous prie de m'écrire à Oran. On dit que nous serons payés à Oran pour pouvoir aller à terre et acheter du tabac. Je termine, cher frère, en vous embrassant de tout mon cœur. Votre frère tout dévoué qui vous aime, à vous pour la vie, signé Yves Kermadec. Post-scriptum, si j'ai beaucoup d'argent à Oran, je ferai une très grande provision de tabac, et surtout pour vous, de celui qui est pareil au tabac des Turcs et que vous aimez bien fumer. Le major m'a remis pour vous une serviette, la dernière qui nous avait servi à table. Je l'ai lavée, ça fait que je l'ai un peu déchirée. Quant au cahier que vous m'aviez donné pour écrire mes histoires, il était aussi tout à fait écrasé par le coup de mer. Alors maintenant, j'ai tout laissé de côté. Cher frère, je vous embrasse encore de tout mon cœur. Signé Yves Kermadec. À bord, c'est toujours la même chose, et le commandant n'a pas changé ses habitudes de crier pour la propreté du pont. Il y a eu une grande dispute entre lui et le lieutenant, toujours sujet du cacatois, vous savez. Mais ils se sont très bien arrangés après. J'ai aussi à vous dire que dans 7 ou 8 mois, je pense encore avoir un autre petit enfant. Une chose pourtant qui ne me fait pas bien plaisir, car c'est un peu trop vite. Votre frère, Yves. Chapitre 75. C'est en Orient maintenant que viennent me trouver ces petites lettres d'Yves. Elles m'y apportent dans leur simplicité les senteurs déjà lointaines du pays breton. Ils s'éloignent beaucoup mes souvenirs de Bretagne. Déjà je les revois passer comme à travers des voiles de rêve. Les écueils connus de là-bas, les feux de la côte, la pointe du Finistère avec ses grandes roches sombres, et les approches dangereuses d'Ouessant les soirs d'hiver, et le vent d'ouest qui courait sous le ciel morne à la tombée des nuits de décembre. D'ici tout cela semble la vision d'un pays noir. La pauvre petite chaumière de Toulven, elle était bien humble, bien perdue au bord du sentier breton. Mais c'était la région des grands bois de hêtres, des rochers gris, des lichens et des mousses, des vieilles chapelles de granit et des hauts foins semés de fleurs roses. Ici du sable et des minarets blancs, sous une voûte très bleue, et puis le soleil, l'enchanteur éternel. Chapitre 76. Lettre d'Yves. Brest, le 10 septembre 1881. Mon bon frère, je vous fais savoir le désarmement de votre sèvre. Nous l'avons remise hier à la direction, et ma foi, je n'en suis pas trop mécontent. Je compte rester quelque temps à terre, au quartier. Aussi, comme notre petite maison n'est pas très avancée, vous pensez bien, ma femme est venue s'installer auprès de moi à Brest, jusqu'à ce qu'elle soit finie. Je pense que vous trouverez, cher frère, que nous avons bien fait. Cette fois, nous les avons loués presque dans la campagne à recouvrance du côté de Pontagnou. Cher frère, je vous dirai que le petit Pierre a été bien malade par les coliques pour avoir mangé trop de luz dans les bois ce dimanche dernier que nous avons été à Toulven. Mais cela lui a passé. Il devient tout à fait mignon. Et je reste des heures à jouer avec lui. Le soir, nous allons nous promener tous les trois. Nous ne sortons plus jamais qu'ensemble. Et puis, quand l'un rentre, les deux autres rentrent aussi. Cher frère, si vous pouviez revenir à Brest, il me manquerait plus rien. Vous me verriez maintenant comme je suis, vous seriez tout à fait content, car je n'étais jamais resté aussi tranquille. Je voudrais encore embarquer avec vous, mon bon frère, et tomber sur quelques bateaux qui iraient là-bas du côté du Levant, vous retrouver. Et pourtant, je vous promets que la vie que je fais maintenant, je voudrais bien la continuer, mais cela n'est pas possible, car je suis trop heureux. Je termine en vous embrassant de tout mon cœur, et le petit Pierre vous envoie ses respects. Ma femme et tous mes parents à Toulven vous font bien des compliments. Ils ont très hâte de vous voir, et je vous promets que moi aussi. Votre frère, Yves Kermadec. Chapitre 77. Toulven, octobre 1881. Encore la pâle Bretagne au soleil d'automne. Encore les vieux sentiers bretons, les hêtres et les brières. Je croyais avoir dit adieu à ce pays pour longtemps, et je le retrouve avec une singulière mélancolie. Mon retour a été brusque, inattendu, comme le sont souvent nos retours ou nos départs de marins. Une belle journée d'octobre, un tiède soleil, une vapeur blanche et légère répandue comme un voile sur la campagne. C'est partout cette grande tranquillité qui est particulière aux derniers beaux jours. Déjà des senteurs d'humidité et de feuilles tombées, déjà un sentiment d'automne répandu dans l'air. Je me retrouve dans les bois connus de Trémelé, sur la hauteur d'où on domine tout le pays de Toulven. À mes pieds l'étang, immobile sous cette vapeur qui plane, et au loin des horizons, tout boisé, comme il devait l'être au temps ancien de la Gaule. Et ceux qui sont là, près de moi, assis parmi les mille petites fleurs de la bruyère, ce sont mes amis de Bretagne, mon frère Yves et le petit Pierre, son fils. C'est un peu mon pays maintenant, ce Toulven. Il y a un très petit nombre d'années, il m'était étranger, et Yves, auquel pourtant je donnais déjà le nom de frère, comptait à peine pour moi. Les aspects de la vie changent, tout arrive, se transforme et passe. Il y en a tant de ces bruyères que dans les lointains on dirait des tapis roses. Les scabieuses tardives sont encore fleuries. Tout en haut de leurs tiges longues, et les premières grandes ondées qui ont passé ont déjà semé la terre de feuilles mortes. C'était vrai ce qu'Yves m'avait écrit. Il était devenu très sage. On venait de l'embarquer sur un des vaisseaux en rade de Brest, ce qui semblait lui assurer un séjour de 2 ans dans son pays. Marie, sa femme, s'était installée près de lui dans le faubourg de Recouvrance, en attendant cette petite maison de Toulven, qui montait de terre lentement, avec de gros murs bien épais et bien solides, à la mode d'autrefois. Elle avait accueilli mon retour imprévu comme une bénédiction du ciel, car ma présence à Brest auprès d'eux allait la rassurer beaucoup. Yves devenu très sage, et comme cela, tout de suite, sans qu'on sût quelles circonstances décisives l'avaient ainsi changé, on avait peine à y croire. Et Marie me confirmait ce bonheur très timidement. Elle en parlait comme de ces choses instables, fugitives, qu'on a peur de faire s'envoler rien qu'en les exprimant par des mots. Chapitre 78. Un jour, le démon de l'alcool revint passer sur leur route. Yves rentra avec ce mauvais regard trouble dont Marie avait peur. C'était un dimanche d'octobre. Il arrivait du bord, où on l'avait mis au fer, disait-il, et il s'était échappé parce que c'était injuste. Il semblait très exaspéré. Son tricot bleu était déchiré et sa chemise ouverte. Elle essayait de lui parler bien doucement, de le calmer. C'était précisément une belle journée de dimanche. Il faisait un de ces temps rares d'arrière-automne qui ont une mélancolie paisible et exquise, qui sont comme un dernier repos du soleil avant l'hiver. Elle s'était habillée dans sa belle robe et sa collerette brodée. Elle avait fait la grande toilette du petit Pierre, content qu'ils iraient tous les trois se promener ensemble à ce beau soleil doux. Dans la rue, des couples de gens du peuple passaient, endimanchés, s'en allant sur les routes et dans les bois, comme au printemps. Mais non, rien n'y faisait. Yves avait prononcé l'affreuse phrase de Brut qu'elle connaissait si bien. « Je m'en vais retrouver mes amis. » C'était fini. Alors, sentant sa pauvre tête s'en aller de douleur, elle avait voulu tenter un moyen extrême. Pendant qu'il regardait dans la rue, elle avait fermé la porte à double tour et caché la clé dans son corsage. Mais lui, qui avait compris ce qu'elle venait de faire, se mit à dire, la tête baissée, les yeux sombres, « Ouvre, ouvre, m'entends-tu? Je te dis de m'ouvrir. » Il essaya de secouer cette porte sur ses ferrures. Quelque chose le retenait encore de la briser. Ce qu'il eût pu faire sans peine. Et puis non. Il voulait que sa femme, qui l'avait fermée, vint elle-même la lui ouvrir. Et il tournait dans cette chambre avec son air de grand fauve, répétant « Ouvre, m'entends-tu? Je te dis de m'ouvrir !» Les bruits joyeux du dimanche montaient dans la rue. Les femmes, à grandes coiffes, passaient au bras de leur mari ou de leur amant. Le beau soleil d'automne les éclairait de sa lumière tranquille. Il frappait du pied et répétait cela à voix très basse « Ouvre, je te dis de m'ouvrir !» C'était la première fois qu'elle essayait de le retenir par force. Et elle voyait que cela réussissait mal, et elle avait étrangement peur. Sans le regarder, elle s'était jetée à genoux dans un coin et disait des prières, tout haut et très vite comme une insensée. Il lui semblait qu'elle touchait à un moment terrible, que ce qui allait arriver serait plus affreux que toutes les choses d'avant. Et petit Pierre, debout, ouvrait tout grand ses yeux profonds, ayant peur lui aussi, mais ne comprenant pas. « Non, tu ne veux pas m'ouvrir. Oh, mais je l'arracherai alors. Tu vas voir. » Une secousse ébranla le plancher, puis on entendit un grand bruit, sourd, horrible. Yves venait de tomber de tout son haut. La poignée par laquelle il avait voulu prendre cette porte lui était restée dans la main, arrachée, et alors lui avait été jeté à la renverse sur son fils, dont la petite tête avait porté dans la cheminée contre l'angle d'un chenet de fer. Ah, ce fut un changement brusque. Marie ne priait plus. Elle s'était levée, les yeux dilatés et farouches, pour ôter son petit Pierre des mains d'Yves qui voulait le relever. Il était tombé sans crier, ce petit enfant, tout saisi d'être blessé par son père. Le sang coulait de son front et il ne disait rien. Marie, le tenant serré contre sa poitrine, prit la clé dans son corsage, ouvrit d'une main et poussa la porte toute grande. Yves la regardait, effrayée à son tour. Elle s'était reculée et lui criait « Va-t'en, va-t'en, va-t'en !» Pauvre Yves, voilà qu'il hésitait à passer. Il cherchait à mieux comprendre. Cette porte qu'on lui ouvrait maintenant, il n'en voulait plus. Il avait le sentiment vague que ce seuil allait être quelque chose de funeste à franchir. Et puis ce sang qu'il voyait sur la figure de son fils et sur sa petite collerette. Oui, il cherchait à mieux comprendre, à s'approcher d'eux. Il passait sa main sur ses tempes, sentant qu'il était ivre, faisant un grand effort pour démêler ce qui était arrivé. Mon Dieu, non, il ne pouvait pas. Il ne comprenait plus. L'alcool, ses amis qui l'attendaient en bas, c'était tout. Elle lui répétait toujours en serrant son fils contre sa poitrine. « Va-t'en, mais va-t'en !» Alors, tournant sur lui-même, il prit l'escalier et s'en alla. Chapitre 79. Tiens, c'est vous, Kermadec ? Oui, monsieur Kerjean. Et en bordée, je parie ? Oui, monsieur Kerjean. En effet, cela se voyait à sa tenue. Eh bien, je croyais que vous étiez marié, Yves. C'est quelqu'un de Paimpol, le grand Lisbats, je crois, qui m'avait conté que vous étiez père de famille. Yves secoua ses épaules d'un mouvement d'insouciance méchante et dit « S'il vous manquait du monde, monsieur Kerjean, ça m'irait à moi de partir à votre bord. » Ce n'était pas la première fois que ce capitaine Kerjean enroulait des déserteurs. Il comprit. Il savait comment on les prend et ensuite comment on les mène. Son navire, la Belle Rose, qui naviguait sous un pavillon d'Amérique, partait le lendemain pour la Californie. Yves lui convenait. C'était une acquisition excellente pour un équipage comme le sien. Ils s'isolèrent tous deux pour ébaucher à voix basse leur traité d'alliance. Cela se passait au port du commerce, le matin du second jour, après sa fuite de chez lui. La veille, il avait été à Recouvrance, en rasant les murs, pour tâcher d'avoir des nouvelles de son petit Pierre. De loin, il l'avait aperçu, qui regardait passer le monde à la fenêtre, avec un petit bandeau sur son front. Alors il était revenu sur ses pas, suffisamment rassuré, dans son égarement d'ivresse qui durait encore. Il était revenu sur ses pas pour aller retrouver ses amis. Ce matin-là, il s'était réveillé au jour, sous un hangar du quai où ses amis l'avaient couché. L'ivresse était cette fois passée, bien complètement passée. Il faisait toujours ce même beau temps d'octobre, frais et pur. Les choses avaient leurs aspects habituels, comme si de rien n'était, et d'abord il songea avec attendrissement à son fils et à Marie, prêt à se lever pour aller les retrouver là-bas et leur demander pardon. Il lui fallut un moment pour se rappeler tout et se dire que c'était fini, qu'il était perdu. Retourner près d'eux maintenant? Oh non, jamais, quelle honte! D'ailleurs, s'être échappé du bord étant puni de fer, et avoir ensuite couru border 3 jours, tout cela ne pouvait plus se racheter. Prendre encore ces mêmes résolutions, reprises 20 fois, faire encore ces mêmes promesses, dire encore ces mêmes mots de repentir, oh non, assez! Il en avait un mauvais sourire de pitié et de dégoût. Et puis sa femme lui avait dit « Va-t'en ». Il s'en souvenait bien de son regard de haine en lui montrant la porte. Il avait beau l'avoir 1000 fois mérité, il ne lui pardonnerait jamais cela. Lui, habitué à être le seigneur et le maître, elle l'avait chassé, c'était bien, il était parti. Il suivait sa destinée, elle ne le reverrait plus. Cette rechute aussi lui était plus répugnante après cette bonne période de paix honnête, pendant laquelle il avait entrevu et compris une vie plus haute. Ce retour de misère lui paraissait quelque chose de décisif et de fatal. À ce moment, il s'aperçut qu'il était couvert de poussière, de boue, de souillures immondes, et il commença de s'époussoter en redressant la tête, qui s'animait peu à peu à ce réveil, d'une expression dure et dédaigneuse. Être tombé comme une brute sur son fils et avoir meurtri ce pauvre petit front, il se faisait tout à coup à lui-même l'effet d'un misérable bien repoussant. Il brisait entre ses mains les planches d'une caisse qui traînait là près de lui, et à demi-voix, après un coup d'œil instinctif pour s'assurer qu'il était seul, il se disait avec une espèce de rire moqueur d'odieuses injures de matelot. Maintenant, il était debout avec un air fier et méchant. Déserté. Si quelque navire pouvait l'emmener tout de suite. Cela devait se trouver sur les quais. Justement, il y en avait beaucoup ce jour-là. Oh oui, à n'importe quel prix, déserté pour ne plus reparaître. Sa décision venait d'être prise avec une volonté implacable. Il marchait vers les navires, cambré, la tête haute, l'entêtement breton dans ses yeux à demi fermés, dans ses sourcils froncés. Il se disait « Je ne vaux rien, je le sais, je le savais. Ils auraient dû me laisser tous. J'ai essayé ce que j'ai pu, mais je suis fait ainsi, ce n'est pas ma faute. » Et il avait raison, peut-être, ce n'était pas sa faute. À cet instant, il était irresponsable. Il cédait à des influences lointaines et mystérieuses qui lui venaient de son sang. Il subissait la loi d'hérédité de toute une famille, de toute une race. Chapitre 80. À 2 heures le même jour, après marché conclu, Yves ayant acheté des hardes de marin du commerce et changé de costume clandestinement dans un cabaret du quai, monta à bord de la Belle Rose. Il se mit à faire le tour de ce bateau, qui était mal tenu, qui avait des aspects de rudesse sauvage, mais qu'on sentait souple et fort, taillé pour la course et les hasards de la mer. Auprès des navires de l'État, celui-ci semblait petit, court et surtout vide. Un air abandonné, presque personne à bord. Même au mouillage, cette espèce de solitude serrait le cœur. 3 ou 4 forbans étaient là, qui rôdaient sur le pont. Ils composaient tout l'équipage, et ils allaient devenir, pour des années peut-être, les seuls compagnons d'Yves. Ils commencèrent par se dévisager, les uns les autres, avant de se parler. Tout le jour dura ce même beau temps tiède et tranquille, cette sorte d'été mélancolique d'arrière-saison, qui portait au recueillement. Maintenant, le calme se faisait pour Yves sur l'irrévocable de sa décision. On lui montra sa petite armoire, mais il n'avait presque rien à y mettre. Il se lava à grande eau fraîche, s'ajusta mieux, avec une certaine coquetterie, dans son costume nouveau. Ce n'était plus cette livrée de l'État qui lui avait souvent paru lourde. Il se sentait libre, affranchi de tous ses liens passés, presque autant que par la mort. Il essayait de jouir de son indépendance. Le lendemain matin, à la marée, la Belle Rose devait partir. Yves flairait le large, la vie de mer qui allait recommencer, à la façon nouvelle longtemps désirée. Il y avait des années que cette idée de déserter l'obsédait d'une manière, et à présent c'était une chose accomplie. Cela le relevait à ses propres yeux d'avoir pris ce parti. Cela le grandissait de se sentir hors la loi. Il n'avait plus honte de se présenter devant sa femme à présent qu'il était déserteur. Et il se disait qu'il aurait le courage d'y aller ce soir, avant de partir, au moins pour lui porter l'argent qu'il avait reçu. À certains moments, quand la figure de son petit Pierre repassait devant ses yeux, son cœur se déchirait affreusement. Ce navire, silencieux et vide, lui faisait l'effet d'une bière, où il serait venu tout vivant, s'ensevelir lui-même. Sa gorge s'étranglait. Un flot de larmes voulait monter, mais il le comprimait à temps, avec sa volonté dure, en pensant à autre chose. Vite il se mettait à parler à ses amis nouveaux. Il causait de la façon de manœuvrer avec si peu de monde, ou du jeu de ces grosses poulies qu'on avait multipliées partout pour remplacer les bras des hommes, et qui, à son avis, alourdissaient beaucoup le gréement de la Belle Rose. Le soir, quand la nuit fut tombée, il alla à Recouvrance et monta sans bruit jusqu'à sa porte. Il écouta d'abord avant d'ouvrir. On n'entendait rien. Il entra timidement. Une lampe était allumée sur la table. Son fils était tout seul, endormi. Il se pencha sur sa corbeille d'osier, qui sentait le nid de petit oiseau, et appuya la bouche tout doucement sur la sienne pour sentir encore une fois sa petite respiration douce. Et puis il s'assit près de lui et resta tranquille, afin d'avoir repris une figure calme quand sa femme rentrerait. Chapitre 81. Derrière lui, Marie était montée en tremblant. Elle l'avait vu venir. Depuis 2 jours, elle avait eu le temps d'envisager en face tous les aspects du malheur. Elle n'avait pas voulu aller interroger les autres marins, comme font les pauvres femmes des coureurs de bordée, pour apprendre d'eux si Yves était rentré à son bord. Elle ne savait rien de lui, et elle attendait, se tenant prête à tout. Peut-être qu'il ne reviendrait pas, elle s'y était préparée comme au reste, et s'étonnait d'y songer, avec tant de sang-froid. Dans ce cas, ses projets étaient faits. Elle ne retournerait pas dans ce Toulven, de peur de revoir leur petite maison commencer, de peur aussi d'entendre chaque jour maudire le nom de son mari chez ses parents qui la recueilleraient. Non, là-bas, dans le pays de Goëlo, il y avait une vieille femme qui ressemblait à Yves, et dont les traits prenaient tout à coup pour elle une douceur très grande. C'était à sa porte qu'elle irait frapper. Celle-là serait indulgente pour lui, puisqu'elle était sa mère. Elle pourrait parler sans haine de l'absent. Elle vivrait là, les deux abandonnés, ensemble, et veilleraient sur le petit Pierre, réunissant leurs efforts pour le garder, ce dernier, pour qu'au moins il ne fût pas marin. Et puis il lui semblait que si un jour, dans bien des années peut-être, Yves, déserteur, voulait se rapprocher des siens, ce serait là, dans ce petit coin de terre à Plouhirzel, qu'il reviendrait. Elle avait fait la nuit d'avant l'étrange rêve d'un retour d'Yves. Cela se passait très loin, dans les années à venir, et elle-même était déjà vieille. Yves arrivait dans sa chaumière de Plouhirzel le soir, vieux lui aussi, changé, misérable. Il lui demandait pardon. Derrière lui étaient entrés Goulven et Gildas, ses frères, et un autre Yves, plus grand qu'eux tous, qui avait les cheveux tout blancs et qui traînait à ses jambes de longues franges de goémons. La vieille mère les accueillait de son visage dur. Elle demandait avec une voix très sombre, « Comment se fait-il qu'ils soient tous ici ? Mon mari pourtant a dû mourir en mer. Il a déjà plus de 60 ans. Goulven est en Amérique, Gildas dans son trou de cimetière. Comment se fait-il qu'ils soient tous ici ?» Alors Marie s'était réveillée de frayeur, comprenant qu'elle était entourée de morts. Mais ce soir, Yves était revenu vivant et jeune. Elle avait reconnu dans l'obscurité de la rue sa taille droite et son pas souple. À l'idée qu'elle allait revoir et être fixée sur son sort, tout son courage et tous ses projets l'avaient abandonné. Elle tremblait de plus en plus en montant cet escalier. Peut-être bien qu'il avait simplement passé ses deux journées à bord, et qu'il revenait comme de coutume, et que tout s'arrangerait encore une fois. Elle s'arrêtait sur ses marches pour demander à Dieu que ce fût vrai, dans une prière rapide. Quand elle ouvrit la porte, il était bien là, dans leur chambre, assis près du berceau et regardant son fils endormi. Lui, pauvre petit Pierre, dormait d'un bon sommeil paisible, ayant encore son bandeau sur le front, là où le chenet de fer l'avait blessé. Dès qu'elle fut entrée, pâle, son cœur battant à grandes secousses qui lui faisaient mal, elle vit tout de suite qu'Yves n'avait pas bu d'alcool. Il avait levé les yeux sur elle, et son regard était clair. Et puis, il les avait baissés vite et restait penché sur son fils. « A-t-il beaucoup de mal ? » demanda-t-il à demi-voix, lentement, avec une tranquillité qui étonnait et qui faisait peur. « Non, j'ai été chercher le médecin pour le panser. Il a dit que ça ne laissera pas de marque. Il n'a pas du tout pleuré. » Ils se tenaient là, muets l'un devant l'autre, lui toujours assis près de ce petit berceau, elle debout, blanche et tremblante. Il ne s'en voulait plus. Il s'aimait peut-être. Mais maintenant l'irréparable était accompli, et c'était trop tard. Elle regardait ce costume, qu'elle ne lui avait jamais vu, un tricot de laine noire et un bonnet de drap. Pourquoi ces habits? Et ce paquet près de lui par terre, d'où sortait un bout de col bleu? Il semblait renfermer ses effets de matelot, quittés à tout jamais, comme si le vrai Yves était mort. Elle osa demander. « L'autre jour, tu es rentré à bord ?»« Non. » Encore un silence. Elle sentait l'angoisse qui venait plus forte. « Depuis 3 jours, Yves, tu n'es pas rentré ?»« Non. » Alors elle n'osa plus parler, ayant peur de comprendre la chose terrible, voulant retenir les minutes même, ces minutes qui étaient faites d'incertitude et d'angoisse, parce qu'il était encore là, lui, devant elle, peut-être pour la dernière fois. À la fin, la question poignante sortit de ses lèvres. « Que comptes-tu faire, alors ?» Elle lui avoua bas, simplement, avec cette tranquillité des résolutions implacables, laissa tomber ce mot lourd. « Déserté. » « Déserté ?» Oui, c'était bien ce qu'elle avait deviné, depuis quelques secondes, en voyant ce costume changé, ce petit paquet d'effets de matelot, soigneusement plié dans un mouchoir. Elle s'était reculée, sous le poids de ce mot, s'appuyant derrière elle au mur avec ses mains, la gorge étranglée. Déserteur, Yves, perdu. Dans sa tête repassait l'image de Goulven, son frère, et des mers lointaines, d'où les marins ne reviennent plus. Et comme elle sentait son impuissance contre cette volonté qui l'écrasait, elle restait là, anéantie. Yves s'était mis à lui parler très doucement, avec son calme sombre, lui montrant le petit paquet d'effets qu'il avait apporté. « Tiens, ma pauvre Marie, demain, quand mon navire sera parti, tu renverras cela d'abord, tu m'entends bien ? On ne sait pas. Et si on me reprenait ? C'est toujours plus grave emporter les effets de l'État. Et puis voilà d'abord les avances qu'on m'a données. Vous retournerez à Toulven. Oh, je t'enverrai de l'argent de là-bas. Tout ce que je gagnerai, tu comprends ? Il ne m'en faudra plus beaucoup à moi. Nous ne nous reverrons plus, mais tu ne seras pas trop malheureuse, tant que je vivrai. » Elle voulait l'entourer avec ses bras, le tenir de toutes ses forces, lutter, s'accrocher à lui quand il s'en irait, se faire plutôt traîner jusque dans les escaliers, jusque dans la rue. Mais non, quelque chose la clouait sur place. D'abord la conscience que tout serait inutile, et puis une dignité là devant leur fils endormi. Il restait contre ce mur sans un mouvement. il avait posé 200 francs en grosses pièces d'argent sur leur table, près de lui. C'était ses avances, tout ce qui lui restait, ses pauvres effets payés. Il la regardait maintenant d'un regard profond, très doux, et il secouait avec sa manche de laine des larmes qui venaient de couler sur ses joues. Mais c'était tout ce qu'il avait à lui dire, et à présent c'était la minute suprême, c'était fini. Il se pencha encore une dernière fois sur son fils, puis il redressa sa haute taille et se leva pour partir.